Merci Manu Farine. Tempus fugit, le temps passe si vite, mais le temps n'existe pas, nous dirait un tout récent chevalier installé autour de cette table. Et pourtant, quoi qu'en disent les physiciens retors ou les ordinateurs quantiques pervers, la flèche du temps avance bel et bien, inlassablement et implacablement, vers cette fin d'après-midi et vers la fin de la troisième saison de la méthode scientifique. Et pour ne pas vous laisser en reste, comme chaque année avant la trêve estivale, nous avons réuni ces voix qui vous sont familières pour vous prodiguer d'indispensables conseils de lecture et de visionnage en science-fiction, retenez bien ce terme, ça va être important pour passer un été la tête dans les étoiles. De la SF plein de la valise, c'est le programme vacancier qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et tous ces belles et beaux conseils vont vous être prodigués par la crème de la crème de la science, de la vulgarisation, de la critique et j'en passe. Tout ce que la méthode scientifique a réuni de meilleur au cours de l'année, ou plus prosaïquement, ceux qui n'étaient pas encore en vacances et qui n'avaient rien d'autre à faire en ce vendredi caniculaire, mesdames et messieurs. Le chevalier Roland Lehoucq, bonjour Roland. Bonjour. Tout récemment décoré chevalier de la Légion d'honneur, félicitations, astrophysicien au CEA et patron du festival Les Utopiales. Catherine Dufour, bonjour. Bonjour. Autrice Grand Prix de l'Imaginaire pour le goût de l'immortalité, bonjour Simon Rio. Bonjour. Rédacteur en chef du site Écran Large, bonjour Cécile Lestienne. Bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science, bonjour Jean-Philippe Uzan. Bonjour. Physicien et théoricien au CNRS, bonjour Jeanne Rousseau. Bonjour. Fondatrice du studio de jeux vidéo Spiders, bonjour François Angelier. Encore lui. Et oui, producteur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture, bonjour Élodie Chabrol. Bonjour à tous. Directrice du festival Paint of Science France, bonjour Guillaume Béchelier. Bonjour. Docteur S, art et sciences de l'art, bonjour Olivier Lascar. Bonjour. Chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir, bonjour Jean-Sébastien Steyer. Bonjour. Paléontologue CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle, bonjour Sylvain Guilbeault. Bonjour. Du magazine La Recherche, et enfin bonjour Jérôme Vincent. Bonjour. Directeur des éditions ActuSF, et oui, c'était un vieux fantasme d'enfance de refaire le générique de l'Académie des Neufs. Nous serons donc l'Académie des 13. Et pour commencer, l'une des sensations de la science-fiction, retenez bien cette expression de l'année. Et maintenant, chers robots, nous voilà arrivés devant ce qui sera la dernière étape de notre visite et que je n'hésiterai pas à appeler le joyau de la collection. C'est moi ou cette chose est d'inspiration phallique. À quoi ça servait ? L'idée directrice était d'éliminer un maximum d'humains en un minimum de temps. Ça commencerait presque à être un peu glauque, votre histoire. À vrai dire, en tout, ils s'en sont servis que quelques fois. À vrai dire, plus de fois n'aurait pas servi à grand-chose. Un point pour toi. Et c'est ça qui les a tous tués, alors ? Non, en fait, c'est leur propre orgueil qui les a menés à leur perte. Eux qui croyaient être le summum de la création. Ils ont contaminé l'eau, appauvri la terre et pollué l'air, à tel point qu'ils n'ont pas eu besoin d'en arriver à un hiver nucléaire. Le long automne inconscient de leur égoïsme aura suffi. Ça va, toi ? Oui, désolé, je pensais que ce serait moins désagréable que de dire « ils se sont auto-niqués car c'était d'incroyables imbéciles ». Ah ouais, mais tu peux pas nous sortir un truc pareil sans prévenir. Je garde ton conseil. Je crois que je viens de comprendre. Les humains sont morts des suites d'une catastrophe écologique. Ouais, grosso modo. Et aussi parce qu'à un moment donné, ils ont cru bon de modifier génétiquement leurs chats pour les doter de pouces opposables. Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a pu ouvrir nos propres boîtes de thon, ça a très vite signé l'arrêt de mort de la race humaine. Love, Death and Robots, une anthologie d'animation américaine produite entre autres par David Fight Club Fincher, 18 épisodes de durée et disons-le de qualité variable, qui a fait néanmoins, Guillaume Béchelier, forte impression cette année. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette anthologie ? Eh bien, parce que justement, c'est une anthologie, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est une sorte d'état de l'art de ce qui peut se faire en animation, sachant qu'on a des studios qui viennent d'un peu partout sur la planète, avec des techniques assez variables, assez différentes. On a de la 3D, comme on pourrait s'attendre à en voir sur des longs métrages type Pixar, mais on a aussi des choses choses beaucoup plus expérimentales avec de la rotoscopie, des techniques de mélange d'approches, de capture. On a des mélanges de prises de vue réelles avec de la 3D, enfin on a vraiment, et de la 2D plus conventionnelle. Donc on a vraiment des choses très très différentes, et c'est justement ça qui est intéressant, avec comme fil conducteur une interrogation autour du futur, de la place des robots, de l'intelligence artificielle. Donc beaucoup de thématiques qui rentrent très bien dans le cadre de cette émission et qui sont explorées généralement avec beaucoup d'humour, pas toujours. On a des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus sérieuses, mais globalement des choses qui se montrent très intéressantes. Qui a été plutôt bien reçue par la critique. Élodie Chabrol, vous avez vous n'avez pas vu qui a pu voir l'anthologie? Simon Rieu, je crois que vous n'avez pas tout à fait le même avis. Ah oui, non, mais pour moi ça a été un cauchemar absolu, c'est-à-dire que l'anthologie, au-delà, on va dire, de la curiosité des divers thèmes qu'elle aborde, moi me ramène, vous savez, à ce vieux cliché de la science-fiction où on disait à une époque, mais c'est un truc d'ado, un peu bas du front, où on veut, en gros, c'est des gamins qui veulent regarder des gros robots qui explosent et des petites pépées sans culotte. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que l'anthologie a vraiment été pensée par trois espèces de gros bourrins. Vous avez parlé de David Fincher, Nicolas Martin, mais il y a aussi Tim Miller, qui est un spécialiste des effets spéciaux, qui coordonne le tout et qui est le créateur de Deadpool. Et alors, c'est pas le cas dans tous les courts-métrages, certes, mais il y en a carrément une bonne dizaine où j'ai vraiment l'impression de voir des gens qui aiment pas tant la science-fiction que ça et qui essayent de coller au pire cliché qu'on a à coller au genre. Mais ça a été une grande souffrance, cette anthologie. Guillaume, il y a quand même des choses. Voilà, c'est l'idée de cette émission étant de donner envie aux gens de consommer de la science-fiction. Merci. Guillaume, un mot tout de même pour essayer de défendre cette anthologie. Moi, je trouve que Simon a un peu la dent dure. Il y a effectivement à boire et à manger, mais il y a quand même quelques courts-métrages très réussis. Alors, ce qui pourrait expliquer effectivement cet aspect, cette uniformité au niveau du niveau du front, c'est le fait qu'on retrouve essentiellement un scénariste sur tous les projets, c'est-à-dire qu'on a des studios très variés, mais par contre au niveau de l'écriture, on a quasiment tout le temps la même personne, donc effectivement les thématiques se recoupent. Alors je suis assez d'accord sur le côté un peu premier degré de la plupart des scénarios, même s'il y en a qui sont relativement drôles. Moi j'y suis vraiment allé pour l'animation, donc forcément moi ça m'a beaucoup moins choqué. Les scénarios m'ont pas forcément emporté, c'était... D'ailleurs, il y a globalement, bon, encore une fois, je vais pas faire la pub de ce que j'essaie de vendre malgré tout, mais on a souvent des scénarios qui se terminent de manière très très soudaine, abrupte. Voilà, on sent qu'au niveau de l'écriture, la plupart des courts-métrages auraient mérité au moins 2-3 minutes de plus, systématiquement. Mais par contre, en termes d'animation, voilà, moi, peut-être que je m'arrête trop à l'image, mais bon, après, c'est mon péché mignon. Mais c'est vrai que j'ai vraiment apprécié le fait d'avoir ces approches esthétiques très différentes. Et voilà. Simon, vous, sur les 18, vous en sauvez vraiment strictement aucun? Non. Et moi, il y en a deux. Alors, pour être parfaitement honnête et m'adoucir un peu, moi, il y en a deux qui m'ont beaucoup impressionné, et les deux aussi bien techniquement que thématiquement. Il y en a un qui s'appelle Blue Dream, Blue Oyster, je crois, qui est extrêmement sardonique, en fait, qui est, on va dire, l'autobiographie express d'un super artiste dont tout le monde se demande quelles sont les origines, et dont les origines s'avèrent, on va dire, très cruelles pour l'amateur d'art contemporain, je n'en dirai pas plus. Un autre qui, si ma mémoire est bonne, s'appelle La Chasse, qui semble être en animation classique, mais en réalité où il y a un mélange de techniques d'une beauté assez sidérante et qui est capable de passer, on va dire, d'un trait très miyazakien à une animation plus occidentale, et c'est un mélange de steampunk et, on va dire, d'aventure à l'ancienne, mais avec une qualité d'écriture, une puissance évocatrice très impressionnante. Bon, donc il y a effectivement des choses intéressantes, Olivier. Vous avez vu l'intégralité des 18 épisodes? J'ai pas vu l'intégralité. Moi, je me situerai dans une position médiane entre Simon et Guillaume, parce que c'est vrai que formellement, c'est assez stupéfiant dans la variété des modes de traitement. Mais si on enquille les épisodes les uns après les autres, on a l'impression de faire une séance de chewing-gum des yeux, quoi, hein, tellement tout ça est très très varié, trop varié peut-être. Et c'est vrai qu'au niveau des scénarios, c'est souvent assez... c'est plus des variations sur des motifs de science-fiction. Il y a des séquences de films. Il y a le coup de l'exosquelette à la Alien, quand Sigourney Weaver affrontait les aliens dans le film de Cameron. Il y a une séquence où c'est adapté dans un monde de fermiers. Bon voilà, on a l'impression qu'ils refont comme ça, qu'ils rejouent des gammes. Mais formellement, c'est quand même très très étonnant. Moi, le conseil que j'aurais par rapport à cette série, c'est peut-être d'aller voir quels sont les épisodes qui sont conseillés, de les regarder comme ça, comme on sirote un alcool fort, on n'oublie pas toute la bouteille d'un coup, quoi. Voilà, allez vous faire quelques shots de Love, Death and Robots, cette série produite notamment par Tim Miller et David Fincher sur Netflix. De la SF plein les valises, c'est avant tout, on va laisser d'aller quérir un peu plus d'enthousiasme du côté de la littérature, avec un auteur majeur qu'on a peu abordé, il faut dire, dans la méthode scientifique, qui fait parfois un peu peur aux lecteurs non avertis, des univers d'art science qui peuvent être jugés jugé difficile d'accès, c'est Greg Egan, Roland Lehoucq, et vous êtes très très fan, vous, de Greg Egan. Oui, j'avoue que j'aime beaucoup Greg Egan, alors c'est vrai que c'est pas toujours très facile d'abord, certains de ses romans sont même franchement difficiles. Alors là, il vient de sortir, traduit en français pour la première fois, parce qu'il faut reconnaître que c'était une épreuve, je pense, pour le traducteur, de Diaspora, de Greg Egan, qui est sorti en mai dernier aux éditions Le Bélial. Et là, il y a quand même, on prend une grande claque. Moi, j'avais pas eu l'occasion de le lire, pas fait l'effort de le lire en anglais, alors qu'il est sorti en 97, hein, le roman. Donc, il y a eu une bonne durée avant sa traduction effective en français. Et vraiment, je pense que c'est de l'art SF, hein. C'est même l'art SF chimiquement pur, si j'ose dire. C'est vraiment incroyable. Et c'est une des évocations stupéfiantes, en tout cas moi qui suis scientifique en plus, où j'arrive à suivre ce qui se passe, c'est-à-dire à comprendre un peu les méandres de la pensée de Greg Egan et de ce qu'il propose, c'est absolument stupéfiant. Et je pense que même si on n'est pas scientifique, on peut suivre l'œuvre. Et il faut être sensible à la poésie des mots scientifiques quand même. Ça parle de quoi, Diaspora? Alors, c'est Diaspora, c'est l'humanité. Depuis la fin du XXIe siècle, l'humanité est en trois branches. Il y a d'abord les citoyens. Alors en fait, c'est des humains qui se sont initialement téléchargés in silico dans la machine. Et puis ensuite, ça a évolué par croisement de gènes, par croisement de programmes. Et puis aussi, il y a des orphelins qui sont créés finalement, qui émergent de rien, comme si un enfant naturel, organique, humain, actuel, émergeait de rien, et qui participent à ces citoyens. Le premier chapitre, d'ailleurs, Orphanogénèse, décrit dans le grand détail l'apparition d'un orphelin, et ça, c'est un grand moment de hard SF. Le second groupe de la population humaine, c'est les Gleisner, donc là, ils sont encore un corps, ils sont plus dans la machine vraiment, mais c'est quand même des corps robotisés, des corps des androïdes, et donc il y a une manière de matérialité du corps, mais en même temps de programmation, d'informatique, disons. Et le troisième groupe, hein, c'est les humains, disons, habituels, les enchérés, les fleshers, comme est dit en anglais, et les enchérés, quand même, avec un peu de transhumanisme, c'est-à-dire c'est des humains qui ont des durées de vie très grandes, qui sont modifiés génétiquement, mais qui veulent garder un corps physique, un corps matériel. Et puis il y a une catastrophe cosmique, assez rapidement, il y a une catastrophe cosmique qui va balayer l'humanité enchérée, et il y aura la diaspora des Gleisner et des citoyens qui sont dans des polices, ces cités, disons, informatiques. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il y aura une deuxième catastrophe cosmique et ça va ouvrir des perspectives absolument vertigineuses. Jean-Sébastien Steyer, qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs qui veulent tenter Greg Egan, mais qui peuvent être un peu effrayés, effectivement, par ce côté très hard SF que vient de décrire Roland? Ils peuvent commencer par le recueil de nouvelles, Axiomatique, qui vient de sortir aussi aux éditions Le Bélial, fraîchement traduit par plusieurs auteurs, dont Francis Valéry. Ce sont des petites perles, justement, de dystopie où l'espèce humaine est très présente. Le futur est décrit, plusieurs futurs. On est vraiment, effectivement, dans la hard SF, la hard science fiction. Mais c'est peut-être un peu plus digeste parce qu'on peut piocher, en fait, différentes nouvelles. Je suis en train de finir une nouvelle croustillante où il s'agit d'une espèce de femme féline, issue bien sûr de manipulation génétique, qui prend conscience en fait d'elle-même, et voilà, j'ai hâte de finir en fait. Catherine Dufour, vous êtes fan de Greg Egan, vous rentrez dans ces univers? Oui, c'est de la hard science, mais Greg Egan reste toujours centré sur l'être humain, donc c'est plein d'émotions, donc même si on ne comprend pas tout dans les détails, c'est vraiment pas pour moi un problème d'apprécier Greg Egan. Jean-Philippe Buzan. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez aussi sur le site web de Greg Egan, et pour la plupart de ses nouvelles, il vous donne en fait des mises en équation, parce qu'il a étudié la physique, il a fait une thèse en relativité générale, dit-on, et donc il y a cette fameuse nouvelle où il y a une plongée dans un trou noir qui est assez bien décrite pour qui connaît un peu la gravité quantique. Et par exemple, vous avez le jeu de football quantique en ligne, vous pouvez jouer au football quantique selon la nouvelle, je sais plus dans quel recueil, si c'est dans Radieux ou dans Axiomatique, je sais plus où elle est exactement cette nouvelle, de football quantique. Et il a fait une petite application, vous pouvez jouer en jeu ou football quantique, dont le but est de localiser la fonction d'onde du ballon au moins à 50% dans les buts de l'adversaire. Et pour ça, vous n'avez qu'une seule façon, c'est de modifier le potentiel en changeant la place de vos joueurs. C'est une nouvelle qui est extraordinaire pour ceux qui aiment le football. On est quand même en période aussi de Coupe du Monde de football. Hein. Donc voilà. Jean-Sébastien Steyer, Axiomatique, les nouvelles, mais si on a envie de se plonger un peu, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un background scientifique, ça veut dire qu'il faut vraiment aller faire un peu de recherche, ou est-ce qu'on peut tout de même profiter de Greg Egan et de ses univers, comme le dit Catherine Dufour, qui sont effectivement toujours très, très humano-centrés, en sirotant une Frozen Margarita sur la plage. sans alcool, bien entendu. Je pense qu'on peut s'en sortir, oui, puisque l'être humain, effectivement, encore une fois, est vraiment au centre des scénarios divers et variés et très originaux de Greg Egan. On peut vraiment s'en sortir en restant, en fait, sur ce point-là. Roland Lehoucq, donc Diaspora, Axiomatique, tout ça, c'est des traductions qui viennent de sortir au Bélial. Un autre, éventuellement, Diaspora. Une autre porte d'entrée dans Greg Egan. Alors, moi, j'étais rentré dans Greg Egan par la Cité des Permutants. C'est pas non plus, c'était pas un livre non plus très facile. C'était pas un des plus faciles non plus. C'est vrai que Greg Egan reste quand même assez difficile. Il faut reconnaître que Diaspora, de ce point de vue-là, nécessite, disons, un effort du lecteur. Si vous passez le premier chapitre Orphanogenèse, qui est quand même un truc absolument stupéfiant, vous passerez à la fin, jusqu'à la fin tranquillement. Il a un glossaire. Sur son site web, il donne quelques indications, des représentations des choses qu'il décrit. Ça reste un de ses ouvrages les plus, je dirais, vulgarisés, entre guillemets, où il essaie vraiment que par des descriptions, par des représentations, par ses phrases et par les dialogues de ses personnages, que le lecteur soit pas complètement perdu dans les méandres des mondes incroyables qu'il est en train de décrire. Alors on peut se perdre dans les méandres des mondes incroyables de Greg Egan, et puis on peut se perdre dans la graphie si particulière et dans les néonogismes de l'événement littéraire de la science-fiction 2019. Nous l'avions reçu à ce micro, ainsi que chez le camarade Angelier, Alain Damasio, les Furtif. Vous êtes plusieurs à l'avoir lu autour de cette table, alors on peut en dire du bien, on peut y trouver des limites. Qu'est-ce qu'on en pense et comment on encourage les auditeurs à emmener ce pavé de 700 pages qu'est Les Furtifs avec eux au bord de la piscine, Cécile Destienne? Eh bien, justement, moi, comme je ne suis pas encore en vacances, je n'ai pas pris le pavé de 700 pages. J'avoue que j'ai acheté la version numérique. Et du coup, je suis très très mal à l'aise, j'avoue, je suis encore dedans, et parce que ce livre, effectivement, questionne notre comportement au quotidien, notre paresse quotidienne, enfin en tout cas de ma paresse quotidienne, qui fait qu'effectivement, tous les jours, je laisse traîner mes données partout, au lieu d'arbitrer en échange d'un confort technologique, effectivement, et ce n'est pas vrai, je n'arbitre pas tous les jours en disant je coche pas les données là, confidentielles, etc. Je ne le fais pas. Et effectivement, on risque de se retrouver et dans une société que peut-être on n'a pas voulu. En tout cas, c'est ça. Moi, quand je suis en train de lire, là, j'arrête pas de me dire, alors, la plateforme en question, elle sait que j'ai acheté le livre, elle sait que je suis quelle page j'ai sauté, elle l'a vue, parce que tout d'un coup, c'est passé très vite. C'est très perturbant, voilà. Pour un été paranoïaque, disait Alain Damasio. Elodie Chabrol, vous avez été convaincue par Les Furtifs? Alors moi je l'ai pas fini non plus, mais j'ai été convaincue par deux choses. Déjà, on commence à lire, je trouve que la première page, elle vous happe complètement, c'est-à-dire qu'on lit le truc, on a envie de savoir, on n'a plus envie de lâcher, mais on a envie de lire les 700 pages. Donc déjà c'est la première chose, et la deuxième chose c'est qu'il y a plusieurs entrées, c'est-à-dire que c'est pas juste de l'ASF. Il y a une histoire d'amour, il y a un peu de thriller derrière, il y a un peu plein de choses, et du coup je pense que ça peut satisfaire plein de monde, et du coup ça peut valoir le coup de prendre effectivement ce pavé de 700 pages pour tous ces niveaux de lecture intéressants. Jérôme Vincent, quand on a aimé La Horde du Contrevent, quand on a adoré La Horde du Contrevent, quand on a vénéré La Horde du Contrevent, est-ce qu'on s'y retrouve dans Les Furtifs? Il faut absolument lire ce livre. C'est un livre qui est pensé et qui est pensé à plein de niveaux, au niveau de son histoire, de ses personnages, au niveau politique aussi, hein, et du message. C'est un livre qu'il a mis plus de 15 ans à écrire. Alors du coup, bah parfois, effectivement, il y a des passages qui sont un peu plus, si ce n'est théorique, un peu plus pensé pour le coup dans le message. Mais c'est un livre qui est passionnant parce qu'on a un livre monde, et c'est pas souvent qu'on a des livres de cette dimension là qui sortent, avec aussi un auteur qui va jusqu'à penser sa police de caractère, penser ses signes. Voilà, c'est vraiment un livre complet dans toute sa mesure, et il faut au moins aller s'y frotter, quoi. Même si parfois c'est un peu dur, si on est capable d'ouvrir Greg Egan, on doit être capable d'ouvrir Alain Damasio sur la plage, c'est sûr. Et en plus, il a l'idée des parties de ville qui sont quand même privatisées, et je trouve que quand on part en vacances ou on est obligé de payer sa serviette ou alors de prendre des remontes-pentes à la montagne qui coupent un bras, il faut absolument le lire, c'est indispensable. Cécile? Oui, d'ailleurs, je souhaite aussi un bon courage aux traducteurs qui vont vouloir traduire Damasio. Ils sont encore en train d'essayer de traduire La Horde du Contrevent. Donc voilà. Non, juste en deux mots, pour ceux qui auraient raté votre excellente émission, effectivement, sur Alain Damasio, qui parlait déjà de ce livre, juste pour dire peut-être en deux mots l'histoire. Parce qu'effectivement, évidemment, ça se passe dans un futur extrêmement proche, 2040. 2040, ouais. Et donc, dans une société d'hyper-contrôle où tout le monde, c'est tout sur tout le monde, et pas parce que de méchants aliens sont arrivés ou des zombies nazis se sont réveillés, c'est juste parce que nous, les humains, avons vendu notre âme, effectivement, aux GAFA, aux grandes sociétés, et voilà, et qu'on a laissé traîner, comme moi aujourd'hui, mais c'est donné partout. On arrive à un monde où finalement on a à peu près tout abandonné, où les grandes villes sont gérées par les sociétés. Alors, Paris, c'est par LVMH, dans mon souvenir, Orange par Orange, Cannes par Le Warner. Lyon, c'est Nestlé, voilà. C'est Nestlé. Où il n'y a plus d'impôts, certes, mais où il n'y a plus d'école non plus. Enfin, faut payer un forfait. Et il faut payer un forfait. Pour avoir un niveau de vie, pour avoir accès à des endroits dans la ville. Voilà, le forfait standard, premium, privilège, si ça vous rappelle quelque chose, c'est pas un hasard à mon avis. Et donc, et on se retrouve comme ça. Et effectivement, le héros, Lorca, a perdu sa petite fille. Enfin, sa petite fille a disparu, plus exactement, il y a quelques mois, et il la cherche partout. Et effectivement, est-ce que les petits êtres qui s'appellent les furtifs qu'on cherche partout dans le livre, qui échappent justement à cette société du contrôle, ont retrouvé cette petite fille? Ce qu'il y a bien aussi, c'est qu'à la fin, il y a plusieurs ouvertures. Je trouve, il y a peut-être plusieurs solutions, parce que ça peut paraître absolument déprimant ce livre, on se dit, oh, ça y est, on est fichu, mais quand même, on peut réagir, on peut se rebeller, et il y a plusieurs façons de le faire. François, peut-être un mot, Damasio, Les Furtifs, c'est un énorme succès de librairie, édité chez La Volte, j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais en tout cas, ça s'est vendu très très bien. Est-ce que c'est un Damasio plus grand public? Est-ce que c'est un Damasio qui est à la hauteur de ses 15 ans d'attente? Est-ce qu'on peut y trouver un peu aussi ses limites aujourd'hui avec un peu plus de recul? C'est-à-dire que moi, je conseillerais d'abord aux auditeurs qui seraient tentés par la lecture d'Alain Damasio, d'abord de lire La Horde du Contrevent. Parce que là, vous êtes au contact de ce qu'on pourrait appeler la charte esthétique, politique, poétique, typographique d'Alain Damasio. Ce sont des romans, c'est un roman choral, où chaque personnage a une langue, un langage extrêmement identifié et caractérisé par tout ce qui est lexique, ponctuation, jeu de mots, toute cette dimension esthétique. Il est en plus désigné par une icône. Et donc on a une histoire. Bon, autant La Horde du Contrevent, c'est une histoire de fantasy, allons-y. Je ne sais pas si ça caractérise très bien le roman. Mais enfin, en tout cas, on est initié à ce qu'est, je dirais, le système Damasio sur le plan littéraire. Et après, on peut d'autant plus facilement arriver dans Les Furtifs, qui continuent de travailler 15 ans plus tard, en le perfectionnant, le complexifiant, le rendant, je dirais, beaucoup plus virtuose, toutes les avancées, les données qu'on avait dans La Horde du Contrevent. Et non, c'est effectivement très fort, parce que effectivement, il complexifie son propos, mais il arrête juste là où Greg Egan commence. C'est-à-dire que quelqu'un comme moi, j'ai aucun problème sur le plan scientifique, technique, technologique avec Damasio, alors que Greg Egan, je l'ai ouvert une fois en 97 et je l'ai refermé immédiatement, jurant, mais un peu tard. Je salue le génie du personnage, mais c'est pas trop mon affaire. Et donc, ce qui est vraiment impressionnant dans le roman, dans Les Furtifs, c'est que c'est une expérience à la fois intellectuelle, esthétique et en même temps presque sensorielle. Puisque tout est travaillé, c'est-à-dire la typographie, la ponctuation, l'accentuation des mots. On est là presque dans on parle le damasien. Donc on peut avoir, si on a bien suivi, on a à la fin son brevet de damasien. C'est vraiment un des rares auteurs à avoir à ce point un univers global, c'est-à-dire qui épouse toutes les dimensions possibles pour un écrivain. Donc Les Furtifs, c'est aux éditions La Volte, La Horde du Contrevent également, en poche chez Folio SF, l'autre grand événement cinématographique de science-fiction, retenez bien cette expression, sera important pour tout à l'heure, de cette année 2019. Nous avons fêté son anniversaire en grande pompe, c'est les 40 ans de la bébête. Interface 2037, posez votre question. Demande éclaircissement sur l'incapacité de neutraliser l'étranger. Impossible de donner éclaircissement. Demande explication. Pas d'explication. Ordre spécial 937, uniquement pour officiers scientifiques. Ordre d'urgence 10-03-75. Quel est l'ordre spécial 937? Notre robot dérouté sur nouvelles coordonnées. Chercher forme vivante. Prendre spécimen. Priorité numéro 1, assurer retour sur Terre de cet organisme pour analyse. Toute autre considération est secondaire et l'équipage peut être sacrifié. Il y a une explication à ça, tu sais. Ah oui ! Eh bien, je ne veux pas entendre ta putain d'explication ! Je ne veux pas. Je ne sais plus. Extrait d'Alien de Ridley Scott, monument, film culte, chef-d'œuvre, bijou. Alors, on va pas perdre trop de temps, parce que tout le monde à peu près a vu Alien. Mais pourquoi aujourd'hui il faut revoir 40 ans après Alien, en deux mots, qui a envie de se lancer? Pourquoi est-ce qu'il est important de replonger dans cet univers? Jean-Sébastien Stellière, Roland Lehoucq, vous venez de sortir L'art et la science dans Alien. Jean-Sébastien Stellière, à la ville, l'édition de la ville brûle. Pourquoi est-ce que cet été, c'est bien de se refaire une soirée Alien en famille? Alors, avec les enfants. Pour réviser ces classiques, tout simplement, dès l'âge de 6 ans, effectivement, comme le disait un ami, Marc Boulet, qui est paléo-artiste. Et Alien, en fait, est intéressant parce que à la base, c'est de la SF, évidemment, mais c'est d'abord une œuvre d'art, en fait, du plasticien H.G. Giger. Et en termes de biologie, d'épidémiologie, d'évolution, de développement, c'est une parfaite réussite, en fait. Alien concentre cette espèce d'entité biologique à elle seule tous les traits dégueulasses et ignobles du monde vivant et des mondes fossiles. Donc c'est, pour moi, paléontologue, un chef-d'œuvre. Simon Rio. Oui, comme toute œuvre séminale qui se respecte, il y a dans Alien un sens qu'on peut perpétuellement renouveler, retrouver. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de discuter un peu du film avec des collègues, je l'ai revu, et c'est tout bête ce que je vais dire, mais l'extrait qu'on vient d'entendre, là, il précède une séquence incroyable dans le film, qui est en fait un viol symbolique de celui qui se révélera être un androïde qui va attaquer Ripley, ce qui est peut-être la scène la plus terrifiante du film, et littéralement essayer de la pénétrer avec un magazine qu'il tourne tel un rouleau, et il essaye comme ça de lui pénétrer le visage, la bouche. C'est une scène qui est d'une violence terrible. Et quand on voit le film aujourd'hui, quelques mois après certains mouvements comme MeToo et tout ce qui s'est passé dans le corps social en Occident, et ben tout simplement le film développe une espèce de métadiscours sur une espèce de masculinité toxique à laquelle se confronte Sigourney Weaver, qui est absolument passionnant et que moi je voyais peut-être pas il y a 4-5 ans. Et ainsi, c'est un film dont la richesse et les strates semblent absolument infinies. J'annonce ça. Parce que c'est vrai que, alors, parce que Ripley, en fait, tout simplement, moi je l'ai vu pour le coup avec ma fille, hein, c'est vraiment, elle avait 12 ans à l'époque, je crois, peut-être 13, et ça a été pour elle, comme ça l'avait été pour moi, bien plus jeune, une révélation de, enfin, ce personnage féminin qui est à la fois extrêmement fort, extrêmement, mais qui est passionnant aussi, qui a des faiblesses, qui est multiple, qui change, qui évolue tout au long du film, et ça c'est génial, c'est rien que pour ça, oui, il faut revoir Alien. Est-ce que je suis le seul à trouver qu'il y a un lien de parenté entre Sigourney Weaver dans Alien et Jeanne qui est en Marcel avec les cheveux courts frisés? Il y a quelque chose quand même de saisissant. Guillaume Béchelier, un mot peut-être pour dire qu'il y a aussi du jeu vidéo, il y a aussi Alien Isolation qui est un très bon jeu qui s'inspire de l'univers du film, sur lequel on peut peut-être dire un mot. S'il fait mauvais, il n'y a pas que du soleil, il n'y a pas que la plage, parfois il pleut l'été. Parfois ça peut être terrible, on peut avoir des orages. Et effectivement, pour revenir au côté séminal du film, il a aussi une importance au-delà du champ du cinéma. Il a permis de consolider un certain nombre d'univers. Et dans le jeu vidéo, c'est également une influence majeure qu'on retrouve dans des titres qui s'en inspirent très vaguement, d'autres de manière beaucoup plus proche, en utilisant la licence. Et en termes de jeux qui utilisent la licence, sans doute un des plus brillants, ça reste Alien Isolation, qu'on avait légèrement évoqué ensemble, et qui permet de se plonger directement dans cet univers. Alors forcément, faut pas être trop claustrophobe, mais si vous avez des soirées d'été à passer tranquillement, c'est une bonne occasion. Tranquillement, oui. Dans le vaisseau poursuivi par une bête, dans un univers virtuel. Jeanne, vous êtes moins convaincue par Isolation ? Si, je l'aime bien, mais je dois avouer que c'est pas moi, mon premier souvenir de jeu vidéo avec Alien dedans et de vrai plaisir de jeu absolu, c'est Alien versus Predator, oui. Avec cette capacité qu'on avait de grimper au plafond, de courir partout. Et de pouvoir incarner aussi bien un prédateur qu'un alien, et ça c'est vraiment génial. Et là, s'il date un peu, et je dois avouer qu'aujourd'hui, s'y replonger, ça demande quand même une certaine volonté, quoi, pour résumer. Catherine Dufour, pour conclure sur Alien. Oui, sur Alien, je crois que surtout ça a été la création d'une esthétique, parce que jusqu'à là, tous les vaisseaux spatiaux étaient propres comme des sous-neufs, et là, tout d'un coup, on a eu cette espèce de vapeur gothique, et puis ces vaisseaux qui respiraient, absolument terrifiants, et depuis, absolument tous les vaisseaux spatiaux en SF respirent. Et moi, j'ai pas joué à Alien Isolation, mais j'ai regardé deux playthroughs un jour où j'avais un rhume monumental. Ça marche aussi. Et ça m'a bien valu 12 heures de terreur absolue. Il est extrêmement bien fait, ce jeu. François Angelier. Oui, il faut rappeler que le vaisseau d'Alien s'appelle le Nostromo, ce qui est un clin d'œil à Conrad. C'est le titre d'un des plus grands chefs-d'œuvre romanesques de Conrad. Et donc, ça renvoie à tout l'univers de Conrad, c'est-à-dire éventuellement l'espèce de bateau militaire dans Apocalypse Now, qui est aussi conradien, est un proche parent du Nostromo. Donc c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Catherine, là, ce qui rend sympathique cette histoire, c'est qu'on n'est pas sur ces espèces de vaisseaux irrespirables, où tout le monde est bon, intelligent, où toute la technique est quand même maîtrisée à mort, on est sur une espèce de rafio foireux qui s'en va crever aux confins, machin, et qui en plus de ça, chope une bestiole dont personne ne veut, et qui va mettre le feu à la terre. Enfin, bon, je trouve ça très sympathique. Si après ça, vous n'avez pas envie de revoir Alien, je ne sais pas quoi faire pour vous. La méthode scientifique. C'est un robot. Ah, c'est une saloperie de robot. Nicolas Martin. Nous poursuivons notre tour de table de conseils, d'encouragement à lire, à voir, à jouer à des œuvres de science-fiction. Hein, je note encore une fois cette expression, on y reviendra tout à l'heure. Et chez Actu SF, Jérôme Vincent, qui vient comme chaque année faire sa promo en toute décontraction. Philippe K. Dick, Goes to Hollywood de Léo Henry. Alors, c'est même pas moi qui l'ai non, choisi. C'est moi, hein, pour c'est le coup. Moi qui l'ai pris, regarde. Je l'ai alors, c'est Jean-Philippe Usan. Voilà. Je l'ai même pris là parce que... Alors, Jean-Philippe Usan pour commencer et ensuite, Jérôme Vincent viendra me remettre un coup de sulfateuse. Alors, pourquoi? Parce que déjà, quand on m'a demandé de sortir des bouquins, je me suis d'abord dit, je vais sortir des nouvelles parce que moi, l'été, je lis beaucoup de nouvelles. C'est court, on en prend une dans la poche, on se balade, on s'arrête quelque part et on lit ça en une heure ou deux. Donc ça, j'adore les nouvelles. Et puis après, j'adore Philippe K. Dick. Mais bon, beaucoup de gens ont lu Philippe K. Dick. Donc voilà. Et là, on a une façon de revisiter Philippe K. Dick avec plein de nouvelles. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on plonge dans la pop culture des 70s et des 80s. Donc à peu près mon époque, vous voyez, avec les cheveux et tout ça. Et que ce qui est extraordinaire, c'est que nos ados, aujourd'hui, ils sont en train de retomber là-dedans. Ils ont tous vu le film sur Queen. Donc ils vous disent qu'il n'y a pas aujourd'hui un groupe qui est aussi bon que Queen. Voilà. Donc ils ont découvert cette musique. Ils ont vu le dernier Spielberg. Donc ils redécouvrent les jeux électroniques avec mon Apple II et ainsi de suite. Et donc, on est dans ce côté où on va revisiter les 70s. Et ce qui fait, alors, il y a plusieurs nouvelles. Il y en a une qui est une sorte d'échange épistolaire unidirectionnel entre Philippe K. Dick et David Lynch. Alors, on avait Alien de Ridley Scott. Et là, il imagine que c'est David Lynch qui va faire une adaptation de Ships Don't Dream, dans sa nouvelle pour faire Blade Runner. Et non, voilà. Et c'est à une seule direction. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? C'est ça, exactement. Enfin, bon, je l'ai pris à l'envers. Ouais. Et donc, c'est génial parce qu'on voit l'évolution. C'est que, voilà, il y a ce côté un peu paranoïaque chez Philippe K. Dick. Et on voit cette évolution. On n'a aucune réponse de David Lynch. Et c'est juste hilarant. Voilà, c'est juste hilarant. Jérôme Vincent. Oui, moi je suis ravi de faire la promo de ce livre puisque bah du coup il est introuvable et il est épuisé. C'est votre talent spécial pour la promotion, Jérôme. C'est vraiment ce qui fait votre talent d'éditeur. Et en plus c'était un gratuit pour deux achetés. Donc, vous avez aucune chance de le retrouver. Néanmoins, ça se trouve toujours sur les sites d'achat en ligne. Il n'y a aucun souci. Pas de problème. Deuxièmement, Léo Henry est absolument génial parce qu'il fait des uchronies littéraires, des uchronies artistiques. Et dans ce petit recueil de nouvelles là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est une nouvelle autour des Beatles, où bassiste meurt et c'est Lemmy qui prend la basse et donc les Beatles deviennent un groupe de heavy metal. Beatles avec un umlaut sur le A. Lemmy de Motorhead, bien sûr. Lemmy de Motorhead. Et ça, c'est absolument génial. Et ça résume toute la folie et le génie de Léo Henry. Il faut lire du Léo Henry. Et puis, si sur un site d'occasion vous trouvez ce livre-là, c'est bien. Sinon, vous pouvez acheter d'autres livres d'ActuSF. C'est ça. Bravo. Mais avec encore un clin d'œil au Maître des Hauts Châteaux, parce que tu as quand même dans cette uchronie une uchronie à l'intérieur, puisque on a une interview de John Lennon où il doit commenter un livre qui va sortir dans lequel on suppose que Paul McCartney n'est pas mort en 67. Donc là, on a en parlé. Donc on revisite complètement l'histoire du rock. Il a fait un autre livre qui s'appelle Le Diable au Piano, qui sont également des nouvelles, et notamment vous avez des uchronies autour d'Indiana Jones par exemple, ou du Capitaine Haddock et de Tintin. C'est jouissif et génial. Voilà. François Angelier. Oui, j'ajouterais même que la puissance de feu de Léo Henry va même jusqu'à faire un chef-d'œuvre de 600 pages sur Hildegard de Bingen, la grande mystique allemande du Moyen-Âge. C'est que t'as un monsieur capacité, cet écrivain, à peu près pratiquer tous les instruments possibles. Que ce soit le théorbe, le synthétiseur 70, ou encore je sais pas quoi d'autre. C'est vraiment très fort. Il a même fait un contre Lovecraftien qui se passe à la Défense, qui s'appelle La Panse, qui est paru en folio SF. Donc il est capable de jouer, et là il y a récemment aussi un livre qui est paru chez Rivage, sur Appion, tous les claviers et de façon toujours fort brillante. Jean-Philippe, vous nous avez envoyé, il faut le dire aux auditeurs, une liste pléthorique d'environ 30 titres, là où on vous en avait demandé un ou deux. Moi j'en ai même absolument que vous lisiez, parce alors, que les on choses. A passé une... Non, c'est pas les choses, dites-moi. On a passé une année avec l'actualité sociale que vous connaissez. Moi j'ai retrouvé ça au fond de ma bibliothèque, je sais qu'on peut le trouver encore d'occasion. 6 mai avait gagné, donc je ne sais pas si vous avez lu ça, je vous engage de à lire. De qui alors? Dites-nous. Alors c'est du comité d'action de l'Institut d'Histoire Révolutionnaire d'août 2156. Le cahier que nous publions provient des fouilles effectuées en juin 2155 sous la montagne Sainte-Geneviève. Rédigé par un journaliste français, il est l'unique témoignage que nous possédons sur les origines de notre cité collectiviste. L'effondrement du régime gaulliste en juin 1968 et la victoire des forces révolutionnaires. Lisez ça, étant donné l'actualité de cette année, vous allez beaucoup rigoler. Ça n'a pas été réédité puisque vous arborez là l'édition originale Pauvert qui a bien vécu du siècle dernier. Je crois que ça n'a pas été réédité. On le trouve d'occasion. Jérôme. Je tiens à préciser qu'il y avait aussi... Carton éditorial monstrueux. Il y avait aussi dans la liste de Jean-Philippe Uzan des incunables qu'on ne trouve qu'à la Bibliothèque Nationale, qui sont évidemment plus compliqués. Non, presque. On va continuer un peu dans ces lectures d'été. Alors, si, je me retourne vers Sylvain Guilbeault, puisque vous vouliez nous parler d'une autrice qui est chère à votre cœur. Ce qui vous conduit à cet exercice d'équilibriste dont vous seul êtes capable dans cette émission, vous vouliez recommander « Entends la nuit » d'une certaine Catherine Dufour. Oui. Je vais vous laisser faire votre déclaration. Allez-y Sylvain. Vous avez fait un propos. Effectivement, je recommande « Entends la nuit » de Catherine Dufour. Je précise que je n'étais pas au courant qu'elle serait sur ce plateau. Mais donc j'ai aucun prétexte. Mais j'ai la méthode scientifique est aussi un endroit où on fait des rencontres, Sylvain. Tout à fait. J'ai aucun scrupule à défendre ce livre. Alors Nicolas, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas de la science-fiction pure. Je sais que vous voulez qu'on garde ce mot. Ce n'est pas, on n'est pas dans Greg Egan, que j'aime beaucoup par ailleurs, ni dans Alain Damasio, que j'aime aussi. Là, c'est un roman fantastique, je disais, de la fantasy urbaine, si on voudrait mettre vraiment une catégorie sur ce livre. Mais en deux mots, donc « Entends la nuit », c'est l'histoire de Myriam. C'est une jeune femme qui mène un peu une vie de bohème à Amsterdam, mais qui doit l'interrompre et retourner à Paris pour une raison qu'elle ne doit absolument pas dévoiler. Voilà, donc elle est là à Paris, elle habite chez sa mère, elle est pauvre. Sa mère aussi est pauvre et du coup, elle a sa mère à charge en plus. Donc elle est obligée de trouver un travail. Un boulot de merde, on va dire, hein, puisque le genre de bullshit job dont on parle beaucoup actuellement, dans une entreprise du secteur de l'immobilier, avec un salaire à seulement 3 chiffres, avec des horaires insupportables. Des horaires d'horreur. Des horaires d'horreur, exactement. Des logiciels espions qui espionnent les salariés, qui les fliquent. Des toilettes inutilisables pour qu'on puisse passer le moins de temps possible. Enfin bref, le bonheur au travail. Mais finalement, dans cet environnement, elle débute une histoire d'amour avec son supérieur hiérarchique, un certain Duncan Vane, très british et aussi très puissant et très riche. Donc jusque-là, ça sonne comme un roman, une romance, comme on en lit beaucoup. Sauf que son supérieur hiérarchique est un être surnaturel. Voilà. Donc là, on rentre dans le fantastique. Twilight. On rentre effectivement. Catherine Dufour décrit, en tout cas la quatrième de couverture décrit ce livre comme un anti-Twilight. Alors moi, je dois avouer que justement, je suis pas du tout dans l'univers Twilight. Je n'en connais que des échos, beaucoup. Et c'est justement une des choses qui me donnait envie de lire ce livre, puisque donc Twilight, c'est bien sûr cette histoire d'amour entre une jeune femme et puis un vampire. Alors ici, c'est bluette, disons. C'est pas un vampire. Et du coup. Ici, on a cet aspect-là, mais c'est pas une romance à l'eau de rose comme Twilight, ou alors c'est de l'eau de rose qui a tourné au vinaigre selon une du réaction. Vinaigre de rose. C'est une réaction chimique qui m'échappe, hein, et du coup, on sent du coup la matière sociale qu'il y a derrière. En fait, le fait que un homme riche et puissant aime une jeune femme pauvre, c'est pas anodin socialement. Ça pose plein de questions qui sont abordées en filigrane dans ce livre, qui est par ailleurs vraiment très réjouissant. Franchement, le style est, moi je trouve le style enlevé, c'est drôle tout en étant acéré. Hein. Ça fait mal par moment, mais on rigole, ça reste bienveillant. Et la fin est inattendue. Alors je sais pas si c'est moi qui suis naïf. On ne va pas aller plus loin. Non, pas du tout. Mais la fin est inattendue. Non, je conseille ce livre même aux gens qui n'aiment pas la SF, parce que justement, c'est pas vraiment de la SF, aux gens aussi qui veulent des romans de plage, parce que par contraste, c'est vraiment un roman où on est un peu enfermé entre quatre murs. Un roman nocturne claustrophobe qui est parfait à lire dans une grande étendue devant la mer. Voilà. Absolument. Catherine, un mot? Oui, c'est en fait, moi je fais des chroniques littéraires pour Le Monde Diplomatique et ma rédac-chef, Evelyne Pieyer, m'a dit un jour, écoute, il y a vraiment un phénomène de librairie, quoi. Il y a Twilight, la Fifty Shades, tu veux pas t'en occuper? J'ai dit, bah banco. Donc j'ai lu Twilight, j'ai relu Twilight, j'ai lu Fifty Shades et j'ai relu Fifty Shades. Oui, c'est moi. Donc, alors, moi, je dis rien. Hein. Twilight, c'est un roman d'ado, pourquoi pas. Fifty Shades, c'est un roman à lire de la main gauche, et pourquoi pas. Le seul problème, c'est que ce sont des jeunes femmes très pauvres qui rencontrent des jeunes gens très riches, des jeunes hommes très riches, et ça se passe bien. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment une bergère peut épouser un prince? Alors, spoiler, la réponse est non. Parce que si vous arrivez dans votre belle famille très riche en étant une bergère, eh bien, vous allez vous faire égorger avec les dents par votre belle-mère, votre beau-père et toute la famille qui va vous rejeter. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre en scène, parce que je me suis dit, ce qui manque à Twilight et à Fifty Shades, finalement, c'est la lutte des classes. et il fallait réparer cet oubli. Voilà, dans la continuité des recommandations de lecture de Jean-Philippe Uzan, si vous voulez avoir un été plus politique, vous pouvez lire « Entend la nuit » de Catherine Dufour, c'est chez La Talente. Olivier, vous avez eu un coup de cœur comme moi pour le dernier roman traduit en français de l'auteur de la trilogie Sido que nous recevions hier depuis son voile ancré dans les îles Fidji. Il y en a qui sont effectivement déjà en vacances. On a beaucoup parlé de Sido hier avec Hugo Oui, et vous vouliez nous parler d'Outre-Sable. Alors pour le coup, c'est vraiment un livre à lire sur la plage, puisque ça se passe, y a que du sable partout. Hein. C'est sur une terre, dans des siècles et des siècles, il y a une catastrophe qui est mal définie, elle est recouverte par les dunes. Et évidemment, dans un récit post-apocalyptique un peu classique, on a toute une catégorie de survivants qui essaient de se frayer un chemin au milieu des dunes pour, chaque jour, le but du jeu, c'est de finir la journée et d'en commencer une autre le lendemain. Et parmi tous ces survivants, il y a une petite catégorie, une élite qui s'appelle les plongeurs et qui ont maîtrisé un art très particulier qui est celui de la plongée sous le sable. Grâce à des capacités psychologiques, presque médiumniques qu'ils possèdent, une concentration très très particulière, mais aussi parce que ils vont porter une combinaison qui va avoir la capacité, avec leur concentration, de fluidifier le sable et de le transformer en une matière quasiment aquatique. Alors évidemment, c'est extrêmement dangereux, il faut être un orfèvre en la matière, sinon on peut se retrouver coincé à des centaines de mètres de profondeur, enterré ouais. Vivant. Hein. Et si ce petit monde plonge à qui mieux, c'est parce qu'évidemment, comme c'est une planète qui a vécu une catastrophe, il y a enfoui partout des trésors, alors des trésors qui ont une valeur plus ou moins appréciable. Il y a ça vaut le coup de plonger pour ramener un sommier, ça arrive à certains personnages du roman, hein, parce que évidemment c'est la dèche totale sur cette planète. Mais surtout, il vise une cité mythique qui s'appelle Danvar et dont on ne sait pas exactement où elle se trouve. Mais au début du roman, on a des indices comme quoi un des personnages principaux qui s'appelle Palmer est sur le point de mettre ses palmes sur la fameuse cité d'Andvar. Et alors c'est un roman qui moi m'a beaucoup séduit pour des raisons visuelles en fait, parce que Hugo Howey a traduit cet univers de la plongée sous le sable d'une façon très particulière et d'une façon colorée, où parce que ces plongeurs revêtent une sorte de visière qui leur donne qui pourrait évoquer les visières à la Google Glass qui donne une réalité augmentée qui vont surimprimer à ce qu'on voit normalement des données, des filtres de couleurs pour traduire une profondeur, une la chaleur, distance des objets aussi qui s'ils sont plus ou moins près sont sur des couleurs plus ou moins chaudes. Ouais. Donc les plongeurs voient le monde sous le sable dans un arc-en-ciel lumineux qui va traduire la proximité de la surface quand ils relèvent la tête, ou au contraire le fait qu'ils arrivent à une poche d'eau, une poche un creux dans lequel ils pourraient s'abriter, ou au contraire très profondément des infrastructures humaines qui ont été enfouies, des immeubles qui peuvent cacher les trésors qu'ils recherchent. Donc visuellement c'est très stimulant. Le motif de la planète des sables en science-fiction, on nous l'a fait souvent, hein. Il y a Arrakis, il y a Tatooine, etc. Donc c'était pas évident de renouveler le jeu. Et il me semble que Hugo Way le fait de façon assez brillante. Oui, et puis avec ce talent de narration qui fait que quand on commence un livre de Hugo Way, on ne sait jamais quel personnage va nous rester entre les doigts à la fin, et avec ses ruptures de ton, avec ces moments où il passe d'un chapitre à l'autre, où on change de narration et où il nous abandonne au moment où on a envie d'en savoir plus, et il retarde comme ça, il a des effets de retard effectivement dans la narration qui sont effectivement très très réussis à mon sens aussi. Je voudrais dire aussi par rapport au personnage, moi ce qui m'a le plus surpris au fur et à mesure que j'avançais dans la lecture de ce livre, c'est l'émotion qui s'en dégage. Je trouve que effectivement très rapidement, on voit qu'il ne s'agit pas de suivre les pérégrinations d'un personnage qui serait le fameux Palmer, puisque c'est celui qui est décrit dans les premières pages du livre, mais c'est toute sa famille qui est décrite et qu'on découvre progressivement à la lecture du roman. Et il y a une émotion terrible qui se crée et on finit le bouquin avec la gorge serrée. C'est donc Outre-Sable d'Hugo Way aux éditions Actes Sud, et on va faire un petit bond dans le passé parce qu'il n'y a pas que le sable dans la vie, il n'y a pas que l'amour contre nature, il y a aussi les sangliers mutants. D'abord, il y a la beauté. Ensuite, le bizarre. Il se passe beaucoup d'histoires ici. Ce n'est rien. Chuck l'orage, calme-toi. Quelques-unes sont incroyables. Elle est venue faire un reportage. Nous sommes à 1500 km à l'ouest de Sydney, dans une ville qui s'appelle Gamula. Elle a disparu. Pour toujours. Mais comment ça, elle a disparu? C'était un accident. Une femme est morte. Je croyais que vous pourriez savoir ce qui lui est arrivé. Il est revenu. Et de qui tu parles? D'un vieil ami. Razorback. Pas d'erreur, c'est la méthode scientifique, c'est pas du tout mauvais genre. François Angelier, oui. Pourquoi être allé ressortir cette merveille de série Z si qu'est Razorback? Un garçon sérieux, ce que j'ai cessé d'être depuis 50 ans, j'en serais arrivé avec les deux très beaux tomes des nouvelles complètes de Jack Vance au Bélial, idéal pour la plage, le truc à lire en science-fiction, classique, magnifique. Mais comme je suis pas sérieux, j'ai reçu un matin, un petit matin, cette extraordinaire chose, qui est donc l'édition collector Digipack, en Blu-ray de Razorback de Russell Mulcahy 1983 chez Carlotta. Et il me suis dit, non, là, immédiatement, un peu de bestialité dans cette émission qui est vouée quand même à la raison cartésienne et au triomphe de la technologie pondérée et humaniste. Un peu de bestialité. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, Russell Mulcahy, qui n'est pas encore le triomphateur mondial de Highlander, est un réalisateur de clips à qui on propose un jour d'adapter un roman. Et de quoi s'agit-il? Effectivement, c'est très simplement, on est à Gamula, au fin fond de l'outre-fond de l'Australie. Donc, il peut déjà pas se passer grand-chose. Ni grand chose de bon à Gamula, qui vit essentiellement pour une usine de nourriture pour animaux qui s'appelle Pet Pack, qui est tenue par deux dégénérés redneck absolument grandioses et totalement baroques. Et voilà. Et l'autre élément important à Gamula, c'est Razorback. C'est-à-dire que, bien des années auparavant, un homme, tout ce qu'il y a d'intégrer socialement, voit un jour sa maison pulvérisée par une sorte de... On ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce que c'est une machine? Est-ce que c'est un météore? Est-ce que c'est un animal? On ne sait pas très bien. C'est pas super mal, en tout cas. Voilà, pulvérisé, et son petit-fils disparaît. L'homme tombe fou, puisque effectivement, il décide de donner la chasse à ce qui est une créature visiblement mutante, une sorte de sanglier mutant, qui a les caractéristiques d'avoir une fourche, ce qu'on appelle les lames, une espèce de fourche à l'avant, extrêmement puissante. Le sanglier se fond dans le désert, la légende de la folie reste à ce brave homme, et puis la vie continue à Gamula. Jusqu'au jour où une journaliste américaine, militante écologiste, vient faire un documentaire extrêmement engagé contre le massacre des kangourous, puisque la richesse de Gamula, c'est le massacre du kangourou qui finit en pâté pour chien et en pâté pour chat dans le monde entier. Et donc elle y va, et elle est de nouveau, elle également, victime du Razorback. Donc s'engage ensuite une lutte extrêmement féroce et hallucinée entre son mari qui survient sur les lieux, l'ancien chasseur qui veut absolument arriver à avoir la peau de cet animal, et donc là, il y a une lutte entre la communauté qui ne veut pas être troublée, qui s'est accommodée de l'existence du monstre, et puis ces deux personnages qui viennent de l'extérieur. Alors l'intérêt, c'est qu'on est à un croisement bizarre entre, d'une part, on peut dire Moby Dick, puisqu'il y a cette espèce de dimension mythique d'un animal qui est tout le temps présent, tout le temps absent, qu'on entrevoit en permanence. Alors là aussi, on peut penser à Alien, parce que Alien, à un moment, est cité dans le film, en tout cas, c'est ce que dit Russell Mulcahy, c'est-à-dire que le personnage est acculé contre une espèce d'angle dans une pièce, et la fourche qui est constituée par les deux lames et les deux dents du Razorback évoque irrésistiblement, d'ailleurs, là, le contact avec l'alien dans le premier épisode. Et puis, on peut penser aussi à Waking Fright. C'est-à-dire que on est au cœur d'une richesse comme ça cinématographique qu'on appelle la Ozploitation. C'est le film d'exploitation australien qui va des années 70 jusqu'aux années 85. Il y a Picnic, Hanging Rock, Waking Fright, Road Games. C'est un cinéma complètement parti, barré, immaîtrisable, délirant, qui laisse le cinéma, en matière de délire et de folie, ça laisse le cinéma américain loin derrière. Jean-Sébastien Steyer, en un mot. C'est délirant, certes, mais c'est la réalité paléontologique, car il y a plusieurs millions d'années, il y avait, cher monsieur, des Razorbacks sur la planète. Razorback, vous pouvez le voir un soir sous l'orage de préférence, et en Australie si vous allez à l'autre bout du monde. C'est en emportant avec vous le DVD, l'édition collector, publié chez Carlotta. La méthode scientifique, Nicolas Martin. On passe d'un animal à l'autre, de François Angelier à Simon Rio, et du sanglier au chien. Rapidement, Simon, vous vouliez nous parler du chef-d'œuvre de Clifford Simak. Oui, Demain les chiens. Je voulais vous en parler parce qu'en plus, je suis un peu ému de l'évoquer ici. Moi, je l'ai découvert en 2003 pendant un autre épisode caniculaire. J'étais sur mon grand-père et depuis des années, je le voyais tout en haut d'une pile de SAS. Et donc, entre les cuisses veloutées d'agents du Mossad et les deltoïdes contractés de Malco, j'ai découvert Demain les chiens. Et Demain les chiens, c'est une tentative assez merveilleuse. On imagine une post-mythologie. En gros, les chiens sont des milliers d'années après nous, doués de parole et s'interrogent, commentent l'équivalent de nos récits homériques, en se demandant, mais ces récits sur des grands êtres qui auraient quitté la planète, les humains qui nous auraient donné la parole, sont-ils des légendes? Sont-ils à prendre, on va dire, de manière religieuse et spirituelle? Quelle est leur valeur? Et moi, à l'époque, j'avais été particulièrement marqué par la poésie du texte, par sa beauté, je dirais, cette science-fiction qui est à la fois radicale et assez douce. Et à la relecture aujourd'hui pour préparer l'émission, j'ai réalisé aussi combien le livre et le texte anticipaient une certaine pensée aujourd'hui qui croît très fortement dans nos sociétés du rapport à la violence, à la mort, au statut des animaux et au statut de l'être sensible. Et c'est un texte, voilà, incroyablement facile d'accès et d'une très très grande poésie. Catherine Dufour. Oui, en fait, Demain les chiens, c'est quand même... c'est un excellent livre, c'est un chef-d'œuvre et surtout, c'est connu dans le milieu de la SF pour être la seule utopie qui tienne la route. Et comment il a fait l'auteur pour qu'une utopie tienne la route sur Terre? Eh ben, il s'est débarrassé des êtres humains parce que l'être humain étant un singe nu en colère, c'est pas facile d'imaginer une utopie où il serait dedans. Et il a conservé uniquement les chiens, les chats, les ours et les loups et qui s'entendent très bien, ma foi. Et pour conclure, puisque nous arrivons déjà au terme de cette émission, lorsque je demande donc à tous ces prestigieux invités réunis autour de cette table leur choix en science-fiction, j'insiste sur ce thème, voilà ce qu'une grande partie, une large partie d'entre eux, me propose. Moi, je suis un ange. Toi, tu es un démon. Nous sommes des ennemis héréditaires. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après toi. Plus que quelques jours avant l'apocalypse et on a perdu l'antéchrist. On n'a pas le choix, on doit travailler ensemble. Nous n'avons absolument rien en commun. Je ne t'apprécie même pas. Mais tu m'adores. Si on met pas la main sur ce gamin, ce sera pas la guerre qui en finit avec toutes les guerres. Ce sera celle qui en finit avec tout ce qu'il y a sur Terre. Adam, où est-ce que tu vas? À la fin du monde. C'est pas loin. La Terre ne va pas prendre fin toute seule. Les quatre cavaliers de l'apocalypse vont bientôt être invoqués. Guerre. Pollution. Famine. Mort. Qui était chargé de les invoquer? C'est pas franchement mon rayon. La fin du monde va commencer ici. Il n'y a pas de tornade en Angleterre! Aujourd'hui, ici! Le gamin va obtenir ses pouvoirs. J'en suis sûr. Tu crois que je te mentirais? Bah oui, évidemment, tu es un démon, c'est dans ta nature. Voilà l'adaptation en série du roman de Bon Présage par Neil Gaiman et Terry Pratchett, qui, tout bon livre qu'il est, n'a vraiment strictement rien à voir avec de la science-fiction. Je vous dénonce, Catherine Dufour, Jeanne Rousseau, Jérôme Vincent et Élodie Chabrol. Pourquoi est-ce que je vous dénonce publiquement ? Jeanne, vous avez aimé cette transposition ? Énormément, vraiment. J'avais adoré le bouquin. Le bouquin est formidable. C'était vraiment un excellent moment de lecture que j'ai lu et relu d'ailleurs à plusieurs reprises. Et j'avais forcément un petit peu de méfiance vers une adaptation. Rassuré un peu par le fait que l'adaptation soit faite par Neil Gaiman à la demande de Pratchett avant son décès. Donc c'est une série hommage, c'est une série testament, j'ai envie de dire, et c'est ça a été un régal quoi, un régal du début jusqu'à la fin avec au départ un moment de un peu j'étais un peu abasourdi par les choix graphiques, par la manière dont c'est fait et ainsi de suite, et puis ça passe tout seul. David Tennant extraordinaire, Queen, ex Mr. Who, Doctor Who pardon, Doctor Who, ouais, ouais, non c'est anglais jusqu'au bout des ongles, c'est délicieux, c'est génial, c'est vraiment, je suis folle amoureuse de cette série. Élodie Chabrol, en un mot, racontez un peu de quoi ça parle, parce que effectivement c'est une sorte de série de fin du monde qui rate, c'est un échec avec un ange et un démon qui sont sur Terre et ils sont tellement amoureux des êtres humains qu'ils essaient de faire foirer le plan divin. Exactement, ils adorent leur vie sur Terre en fait, et ils savent que l'apocalypse va arriver, mais du coup ils n'ont pas envie que cette vie sur Terre s'arrête, ils ont envie de garder la Terre, ils ont envie de garder leurs sushis, leurs crêpes, etc. Donc ils vont essayer de faire foirer le plan de l'antéchrist, donc de cet enfant, pour justement garder la Terre et essayer de garder ça. Et effectivement, c'est très drôle, c'est un humour anglais par contre, donc il faut vraiment être sensible à cet humour, que j'adore, mais c'est vrai que bon, il y a certaines personnes qui pourraient ne pas apprécier, mais c'est vraiment très très drôle, et on voit des choses, notamment la voix de Dieu, c'est une voix féminine. Donc il y a quelques petites choses comme ça assez intéressantes. Catherine Dufour ? Bah écoutez, c'est Neil Gaiman, c'est Terry Pratchett et puis c'est David Tennant, donc ça peut sonne peut-être que génial. Et ils ont notamment cette façon, quand ils boivent ensemble et qu'ils surboivent et qu'ils sont vraiment ivres morts, et ben ils se concentrent, du coup ils dessoulent et les bouteilles se re-remplissent. Je trouve ça génial. Ça c'est un rêve en fait, oui, c'est une sorte de fantasme. Jérôme Vincent. Non mais moi ce que je trouve surtout génial, c'est que pour cette série, avec l'humour de Terry Pratchett, l'humour de Neil Gaiman, il y a une pétition de catholiques américains, alors que ça passe sur Amazon, qui demande le retrait sur Netflix. Voilà, c'est génial, c'est ubuesque, c'est parfait et ça conclut parfaitement la série. Et la voix de Dieu, c'est le nom m'échappe, c'est l'actrice, c'est Frances McDormand qui a obtenu l'Oscar. Un dernier mot, est-ce que vous avez vu peut-être un mot sur De Bons Présages, François Angelier, Terry Pratchett, Neil Gaiman? Ah non, moi les Bons Présages, ça n'existe pas. Moi. J'attends la fin du monde avec gourmandise, comme je disais. Merci beaucoup à tous, à tous les 13 d'être venus nous donner des conseils de lecture pour ces vacances. Merci Catherine Dufour, Roland Lehoucq, Simon Rio, Cécile Lestienne, Jean-Philippe Usan, Jeanne Rousseau, François Angelier, Élodie Chabrol, Guillaume Béchelier, Olivier Lascar. Un mot, Olivier Lascar, un petit lancement en deux mots. Oui, alors une lecture aussi pour cet été, c'est que ce Science et Avenir lance un nouveau magazine qui est sa version pour les jeunes. Ça s'appelle Hashtag Science et ça sort le 4 juillet partout en kiosque. Merci beaucoup Olivier, Jean-Sébastien Steyer, Sylvain Guilbeault et Jérôme Vincent. Merci encore une fois et ô combien à toute la chouette équipe de La Méthode Scientifique pour avoir mené à bout cette troisième saison. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Guette-Saint-Villefranc, Céline Lozen, Éléonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation aujourd'hui, Philippe Mercher à la technique. La grille d'été sur France Culture, ça commence dès lundi matin avec plein de choses formidables, dont par exemple une série documentaire sur un voyage en Antarctique que vous pourrez suivre chaque matin de l'été à 7h25 en chronique de 4 minutes et surtout en format d'une demi-heure du 1er au 12 juillet, du lundi au vendredi de midi à 12h30, Un été en Antarctique, une série produite par un certain Nicolas Martin, réalisée par Yvon Croisier, que vous pouvez retrouver donc dès aujourd'hui en intégralité, en podcast sur votre application préférée pour prendre un gentil petit coup de frais tout au long de ce week-end qui s'annonce encore bien chaud. Merci d'avoir été toujours plus nombreux à nous suivre toute cette saison. On se retrouve à la rentrée dès le lundi 26 août 16h. Bon pied, bon oeil avec quelques nouveautés sous le coude, jusqu'à preuve du contraire. Merci à tous, excellent été.